Ah, maintenant, c'est le moment de la chronique du bloc préféré, je dirais, au moins des animateurs d'Assemblage Requis. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 27 janvier 2014. Je suis allé au IKEA en fin de semaine, dans la région de Montréal. Okay. Et puis je suis revenu, puis là je fais des grands gestes. Oui. Montréal, c'est par là-bas, oui, puis là-bas ici, puis neige en haut, puis ça tombe en bas. Oui, c'est mais droit devant, oui. Tu droit derrière, c'est de tout petit rond. J'ai eu peur. Ah, mais t'as envie. Oui. Ah. J'ai vu toutes nos émissions défiler devant nos yeux. Hey, le temps devait être long en tabarnouche pour l'instant. Non, mais j'ai ri. Oh. Comme le Vif d'or. Le Vif d'or? Oui, toi t'es le Vif, c'est fou. Ah. Pourquoi, je sais pas pourquoi je la trouve drôle. Mais yeah, vive d'or. La chronique dans les coulisses de la huître. Vous savez, quand on lance une huître sur un mur, ça fait quoi? Une coulisse. C'est donc... Comment? Merci, JP. Oui, je suis le bruiteur officiel. Chanteur, bruiteur, mais qu'est-ce qui fait pas? Voilà. Trois viandes, comme à la cafétéria quand je demande double portion de viande. Et voilà. Et là, je m'assure d'avoir comme 7-8 tranches de bacon. T'es cochon. Mais tu me connais pas. Merci, donc à bientôt. Ça me fait plaisir, à bientôt. Wow. T'as fini là-dessus, ouais, ouais. Incroyable. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Wow! On accélère! C'est quoi le nom dans les bleus poudres, là? C'est celui qui faisait ça, là, qui parlait de loin puis de proche. Ah! Ah! Oh. Il y a un concours de la meilleure poutine. Ils soumettent une poutine, donc tu go on the farm and you put in your poutine. You put in. You put in. Put in, tu mets ta... Tu l'inscris. Ben oui. You put it in, you put it in. Ben écoute, si je faisais un formulaire d'inscription pour un concours de poutine, je ferais ça. Ben oui. Puis je mettrais entre parenthèses, écrire ici. Et si vous le comprenez, cochez oui. Oui. Same Love, qui est une de mes chansons préférées. Oui, j'écoute Michael Moore. OK, j'ai son CD. Ça m'arrive. Michael? Non, Michael Moore and Lewis. Il faut vraiment que tu sois OK. Non, excuse-moi. Pas Michael Moore comme le documentarien. Mac Lemore. La trame sonore de Bowling for Columbine. Je te jure, je sais, c'est repeat dans mon chat. Je sais que c'était même pas une blague que tu m'as dit. Non, c'était que vraiment... Mais hier, à la luitre... Hier, à la limite, l'arbitre Jocelyn a demandé une improvisation à la manière de Michael Moore. Et là, Maxime de dire comme le chanteur. Et ça, c'était une blague. Alors lui, ça, c'est très, très drôle. Il a fait l'inverse. C'est ça. Dans le reste de l'émission, ben, il n'y a plus de chroniqueur, c'est que toi et moi. Ben oui, on les a comme mis au début. C'est ça. Pour qu'on ait la paix pour Kingy. Enfin, seul pour parler de cul. Non, on va parler de... Je baisse la lumière. Oui, oh. Et tu mets la voix rauque un peu. Oui. Non, on va parler de choses kinky, de choses osées, mais avec classe et bon goût. Comme des gentlemen. Le record du monde pour le plus long pipi. 508 secondes. 508? T'es allé à l'épicerie, mais c'est comme long... un long Costco, ça. C'est un super marché. Quand... Oui, c'est ça. À l'épicerie. Bonne, Mathieu. Merci, ça fait plaisir. Bienvenue à cette émission électrique. Oui, là, je suis tannée, je suis plus capable. À chaque fois que je touche la poignée de porte, je me poigne un choc comme c'est pas possible. Là. Pas juste comme schlick, là. C'est plus comme pataclao! Pataclao! Vous saurez que si jamais, mettons, Stéphanie lâche au cours de la session, l'émission, ce sera pas parce qu'il y a une chicane avec moi, ça va être à cause de la poignée de porte. Moi pis les poignées de porte, là. La poignée de porte. Comme à la bibliothèque. La bibliothèque. En tant que précieuse, vous pouvez toujours vous fier à mon bon accent international. Alors, on dit bibliothèque. Bibliothèque. Voilà. Tu vois? Tu comprends? C'est pas bibliothèque. C'est comme ça que je le disais avant. On riait de moi, j'ai commencé à dire bibliothèque. Mais oui, mais t'es tellement influençable et naïf. Regarde dans Robert. Regarde dans Robert. Robert va te dire comment ça se prononce. Est-ce que c'est un O ouvert ou un O fermé? Est-ce que Robert est un Robert ouvert ou un Robert fermé? Robert. Il est ouvert. Robert. Alexandrine, dans quelques instants, c'est collé avec la crème de la crème. Et on va. Je vois des verres. C'est un indice. Je vois un sac brun. Là, ça a l'air ivrogne un peu, selon moi. Moi, je vois des pailles. Alors, vous allez toutes voir ça tantôt. Vous allez boire. Il faut le boire. Boire et boire. Vous voulez la mettre dans le nez, la paille? Non. OK. Ah ouais, quand la meilleure drogue de Trois-Rivières? Stay in school. Les enfants crient partout, ils ont de l'énergie en venant. Je les swing dehors. T'es mis dans la cage. J'ai les swings d'âge, vous allez vider votre énergie. Et c'est Fanny Paradis, et moi c'est Mathieu Plante. Toujours l'émission matinale en pièces détachées. Quand je te vois bailler comme ça, je me dis, je vais dire mon propre nom. Ça. Merci. C'est par courtoisie. Je sais. C'est pas ton matin, un peu comme JP tous les autres matins. Façon de campus, parce que ça vous concerne. Merci Stéphanie Paradis. Oui, merci pour le fouet aussi. Merci Mathieu Plante. On fait ça aux deux semaines, les mercredis matin. Le fouet? Oui, aussi. Et la collection de campus. Couillard devra se définir. OK. Ça, c'est quand tu fais des... c'est comme avec les mains là, des ombres chinoises, mais avec ton entre-gens. Faut que tu définisses l'ombrage de tes... Non, hein? Il est vraiment pas, hein? Vraiment ben, pas. J'y pense, là. D'accord. Je m'ordonne ici. On arrête ça, là. Oh, ben non. Ben ouais, mais là, on va mettre le tome de fin, puis ça va être fini. Non, Mathieu. Le calvaire est terminé. Je me suis levé. Fini l'émission. On s'en va entendre The Warrior. The Warrior! The Warrior. A Warrior. J'aurais voulu que tu sois A Warrior. Oh. Mais j'aurais peut-être des énigmes okay. Du père Foura. Est-ce que tu veux qu'on imite la chanson? On a comme abandonné en cours de route. Il n'est pas méridional, mais on le dit cardinal. Et celui qui le perd se fâche. Non! Oh là là, mais vous me laissez pas terminer mes énigmes. Oh là là! Du coup, là là! C'est le du coup, là là! Mes parents m'ont appelé Stéphanie à cause de la princesse Stéphanie Monaco. Ah, sans blague! À l'origine, je vais m'appeler Jessica, mais ils voulaient pas que personne m'appelle Jessica. Fait que c'est mon deuxième nom. Fait qu'à la place, je vais t'appeler Stéphanie. Stéphanie. Bon? C'est comme quand tu fais une très très bonne blague, là, Stéphanie. Funny stuff! C'est funny stuff! Le scandale éthique, donc le scandale des commandites, là, rapidement rattrapé. Étiquetac, comme on dit. Étiquetac. Étiquetac. Les Rangers du risque. Oui, c'est ça. Ça bosse. Étiquetac. Rangers du risque. Ah, je suis trop jeune. Bon. On s'en va entendre la caravane. Pas moi aussi. Tu veux, je te. OK. Trop jeune pour ça. Quoi? Trop jeune de partir une caravane quand elle est bosse. Regarde mes yeux, qu'est-ce que je te dis, Mathieu? Ouh, la violence. Qu'est-ce que je te dis? Extrait de chou rouge, ça c'est pour la couleur. Extrait de chou, et on a justement un extrait de chou. Chou! Chou! Chou! C'est n'importe quoi. Ouais. Mais de chou rouge, donc c'est juste toi qui peux le dire parce que t'es habillé en rouge. Et que je la fasse rouge parce que ma blague est tellement pas drôle que je me trouve vraiment comme gênée. C'est bien que t'as la face rouge! Beaucoup, beaucoup de glucides. On a 20 grammes de glucides. Igloo. Cid. C'est un bloc qui est très, très rare qu'on fait à Assemblage Requis où on joue deux pièces en même temps. Ben moi, mais ça me perturbe. En même temps, ce serait drôle. J'aime pas ça à date. Oh non, je trouve que c'est une mauvaise idée. Steph, quelle mauvaise idée de ta part, franchement. Hey, j'ai rien dit, moi. Une semaine mémorable. C'était les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 27 janvier 2014. Une semaine particulièrement intéressante, je trouve, côté gag de... C'est de bas de gamme, si on veut, je trouve, de mon côté. Mais bon, les autres ont bien réagi, c'est ça l'important. T'sais, si tout le monde rit, ben, tout le monde va penser que c'est drôle. C'est comme une sitcom. T'sais, si on dit de rire, là, ben, c'est pas si c'est drôle. Hein? T'sais, dans Dominique et Martin, dans le temps, là, ça riait tout le temps, mais c'était drôle. J'imagine, pour quelqu'un, peut-être. Donc voilà, pour les meilleurs moments d'Assemblage Requis, on écoute ça du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Toujours en direct à partir de 7h30. C'est en compagnie de Jean-Philippe Charbonneau et de Stéphanie Prodi. Puis moi, Mathieu Plante. Ah, voilà. AssemblageRequis.com pour télécharger les balado-diffusions. Et si vous aimez les meilleurs moments, le montage d'un instant classique, les archives sont aussi sur AssemblageRequis.com. Il y a même une page qui porte le nom d'un instant classique. N'est-ce pas fabuleux?